Yeah, let's have some fun, bitch. Fire on this bitch. Samy se s'entraîne, ma nuque. J'ai des gènes sur le deck right now. J'te fais le steak right now. J'te fais le shake right now. Mon négro porte le take right now. Ta tasse est wet right now. J'pape demi-sec right now. J'ai des gènes sur le deck right now. J'te fais le steak right now. J'te fais le shake right now. Mon négro porte le take right now. Ta tasse est wet right now. J'pape demi-sec right now. Un âge, on dit un trait right now. Mon négro step right now. Mon négro step right now. J'fais le flex right now. Bitch, j'fais le flex right now. J'ai grandi dans le bruit, l'odeur. Je regarde les clips des négros avec un sourire moqueur. Au-dessus de tous ces nègres sur ma coupe, je suis qu'à mi-hauteur. Tu fixes ces pharaons, négro, t'es un siroteur. Je pull up avec le AK mix d'Anthony Kilofer. Les bars de tous ces clowns viennent de moi, j'en suis l'auteur. La lumière délivre, bitch, la lumière engloutit vos peurs. Je te jette un sort, je tire sur toi, négro, tu tires au sort. Je lève des lits quand je leur mets des coups de rein de Minotaur. J'ai 24 carats parce que j'ai des bars comme kilo d'or, pas psychotrope, flic mentiro, porc, j'frappe des poussées inodores. Take fashion mix, traumatise les qu'un riche, je brille trop fort. J'écris en hiéroglyphe, un agri, lunettes bicolores. J'suis tellement dans le futur, bitch, fou la terre des dinosaures. J'peux voir qu'un attel ou passe mes tasses, j'écris trop fort. Bitch, ha, my bad. My bad.